Section 51 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 12, deuxième partie. Les maisons de Luxembourg et de Bavière, par Georges Blondel. Compétition pour la couronne, avènement de Henri VII. La couronne impériale était encore assez enviée en 1308, si l'on en juge par le nombre des candidats. Philippe le Bel lui-même parut un instant devoir se mettre sur les rangs. Ses conseillers intimes lui proposaient en effet, comme la récompense suprême de ses efforts, cette dignité impériale, bien abaissée sans doute depuis un demi-siècle, mais qui, jointe à la couronne de France, lui communiquerait une incomparable splendeur. « Philippe, disait le légiste Dubois, fixera ainsi en France le sens de la politique européenne. Il pacifiera l'Allemagne et l'Italie, et pourra ensuite conduire l'Occident uni sous son étendard à la conquête du tombeau du Sauveur. » Et l'entreprise semblait singulièrement facilitée par cette circonstance que le roi de France tenait le pape Clément V en sa puissance. Ne serait-il pas aisé de faire entendre à l'ancien archevêque de Bordeaux qu'il ne pouvait se dispenser de conférer l'Empire à Philippe? Mais celui-ci avait l'esprit trop positif pour se laisser tenter par ses chimères. Il essaya seulement de faire élire son frère, Charles de Valois, connu par sa bravoure et son ambition, et qui, par son mariage avec Catherine de Courtenay, portait déjà le titre d'empereur de Constantinople. Clément V n'appuya que très mollement cette candidature. La monarchie universelle aux mains des Capétiens était une perspective qui ne lui souriait guère, et la campagne entreprise par la diplomatie française aboutit finalement à un échec. Repoussant donc à la fois le candidat du roi de France et le fils d'Albert, les électeurs accordèrent leur suffrage au seigneur d'un petit comté de la forêt des Ardennes, qui était sans doute d'une noblesse ancienne, mais dont les possessions étaient bien moindres que celles des Habsbourg en 1273. Adroit à tous les exercices du corps, Henri de Luxembourg passait alors pour un des meilleurs tenants des tournois de France et d'Allemagne. Il était réputé pour sa bravoure et plaisait par sa bonne grâce et son caractère chevaleresque. Ajoutons qu'il avait su faire régner l'ordre dans ses petits domaines, et l'Allemagne soupirait alors, dit un chroniqueur, après l'avènement d'un souverain énergique qui put tenir entre ses mains l'épée de Charles le Grand et renier les griffes des oiseaux de proie. Henri était surtout le candidat préféré des électeurs ecclésiastiques, auxquels revenait l'honneur de disposer de la couronne impériale. On voit encore, près de Reims, à quelques kilomètres de Koblenz, à moitié cachée sous les châtaigniers, une curieuse plateforme circulaire encadrée de 8 colonnes reliées par une galerie. C'est le fameux Königstuhl, restauration moderne d'un édifice ancien, construit à l'endroit même où les princes avaient pris l'habitude de délibérer. C'était le point où les 4 électorats rhénans venaient se toucher. C'est là qu'Henri fut élu, le 27 novembre 1308, à l'unanimité des 6 électeurs présents. Le 6 janvier de l'année suivante, il vint, avec une suite nombreuse, se faire couronner solennellement à Aix-la-Chapelle, et quelques mois après, le pape Clément V confirmait le choix des princes et promettait au nouvel élu la couronne impériale. Les longs séjours qu'Henri VII avait faits dans sa jeunesse tant à la cour de France qu'à celle de Rome avaient éveillé dans son esprit le désir de restaurer l'Empire. Dans les cercles qu'il avait fréquentés se rencontraient non seulement des Français, mais aussi des princes de l'Empire, parents ou alliés de la reine Marie de Brabant, et qu'attirait l'éclat de la cour de France. Le comte de Luxembourg suivit toute sa vie l'influence de ses relations. Toute sa vie, il songea à restaurer cette monarchie impériale, dont Dante était alors le prophète et l'apôtre. Intervention en Bohême, dans le royaume d'Arles, en Italie. Mais il lui fallut d'abord entrer en lutte avec la Bohême. Henri de Carinthie, qui favorisait les Allemands au détriment de l'élément national, n'avait pu se maintenir dans ce pays, et ses ennemis s'étaient adressés à Henri VII, lui offrant pour son fils Jean la main d'Élisabeth, dernière fille de Venceslav. L'empereur s'empressa d'accepter. Vainement, Henri de Carinthie essaya de résister. La reddition de Prague assura la soumission de tout le royaume, et la Bohême, à dater de ce jour, fit partie des possessions de la maison de Luxembourg jusqu'à l'extinction de cette famille en 1489. L'intervention de Henri VII dans le royaume d'Arles n'est pas moins importante à connaître. Depuis Frédéric II, aucun empereur ne jouit d'une aussi grande influence dans cette contrée. Ce royaume était alors ardemment convoité par Philippe le Bel et par Robert d'Anjou, roi de Naples, l'un des princes qui a laissé parmi ses contemporains la réputation la plus incontestée de sagesse et d'habileté. Henri VII essaya de reprendre la combinaison qui avait failli réussir au temps de Rodolphe de Habsbourg et que les Vêpres siciliennes avaient fait échouer. Mais Philippe le Bel eut l'adresse de brouiller Robert avec Henri et d'empêcher la restauration du royaume d'Arles en faveur d'un Angevin. La France put attendre dès lors avec confiance le moment d'absorber les provinces sur lesquelles Henri VII avait exercé un moment une puissante action. On a déjà parlé de la descente de Henri VII en Italie. Il y saignit la couronne impériale et y mourut. 1314. Conséquence de la mort de Henri VII. Avènement de Louis de Bavière. La mort prématurée de Henri VII était un rude coup pour les gibelins d'Italie, pour l'idée impériale. Mais ce n'est pas l'Empire seulement dont la cause est compromise. L'Allemagne elle-même est plongée dans un si grand trouble que l'interrègne dure plus d'un an. Les deux maisons de Habsbourg et de Luxembourg paraissent l'une et l'autre déjà trop puissantes aux électeurs. D'ailleurs, le fils de Henri VII, Jean de Bohême, est encore si jeune que ses partisans ne peuvent espérer le faire agréer. On cherche alors un autre candidat plus capable de porter la couronne. Et Louis, duc de Haute-Bavière, obtient la majorité des suffrages. Soutenu par les partisans des Habsbourg, Frédéric le Bel, duc d'Autriche, refuse de reconnaître son rival. Il se fait sacrer à Bonn par l'archevêque de Cologne, qui lui est resté fidèle, tandis que Louis de Bavière se dirige à marche forcée sur Aix-la-Chapelle pour s'y faire couronner par l'archevêque de Mayence. Il faut en venir aux mains. Pendant près de 2 ans, la victoire reste indécise. Pendant près de 2 ans, les deux adversaires prodiguent à l'envi l'un les biens d'Empire, l'autre les biens patrimoniaux de la maison d'Autriche. Ils sentent que la victoire doit appartenir moins aux plus braves qu'aux plus offrants. Le pape Jean XXII, un pontife de la famille de Grégoire VII et d'Innocent III, cherche de son côté à tirer parti de cette querelle. Il déclare qu'en pareille circonstance, c'est à lui qu'il appartient non seulement de décider, mais même d'administrer et de gouverner l'Empire, au moins en Italie. Une lutte nouvelle se prépare. Nouvelle victoire des Suisses, premier succès de Louis, descente en Italie. Louis fut d'abord favorisé par les circonstances. Les troupes du duc d'Autriche venaient d'être vaincues dans le midi de la Souabe par ces mêmes montagnards qui s'étaient déjà affranchis de la domination d'Albert Ier en 1308. Henri VII, qui n'avait point épousé les rancunes de son prédécesseur, avait confirmé les libertés des trois cantons. Mais de nouvelles difficultés avaient surgi. Les Habsbourg accusaient depuis longtemps les paysans d'empiéter sur leur domaine. Au mois de janvier 1314, les paysans de Schwitz s'étant emparés de l'abbaye d'Elsilden, dont ils avaient payé le trésor et dispersé les religieux, Frédéric le Bel chargea son frère Léopold d'Autriche de punir les coupables. Il envoya contre eux une brillante armée où figurait l'élite de la noblesse autrichienne. Malgré leur supériorité numérique, les Autrichiens furent écrasés dans le défilé de Morgarten par les paysans sans confédérés de Schwitz, d'Uri et d'Unterwalden, 1315. La défaite de Morgarten porta un coup terrible à la maison d'Autriche. Louis de Bavière en profita pour déclarer bien d'Empire toutes les possessions autrichiennes des cantons forestiers. Puis il alla attaquer son rival dans la Basse-Bavière et le défit complètement sur la rive droite de l'Inn, près de Mühldorf, 28 septembre 1322. Cette victoire décisive fut due en grande partie à une habile attaque du burgrave de Nuremberg, Frédéric IV de Hohenzollern, qui commandait l'arrière-garde et qui acheva la déroute des Autrichiens. Quelques mois plus tard, la diète de Nuremberg affermissait la couronne sur la tête de Louis. 1323, et Léopold d'Autriche, qui s'était proclamé régent à la place de son frère prisonnier, restituait les insignes de l'Empire. Frédéric le Bel, qui s'était défendu avec un grand courage, resta emprisonné 4 ans dans le château de Trausnitz, où ses beaux cheveux, dit une chronique autrichienne, blanchirent complètement, tandis que son épouse, Élisabeth d'Aragon, devenait aveugle à force de pleurer. Frédéric n'obtint la liberté qu'à condition de renoncer définitivement à l'Empire. Une convention conclue plus tard entre les deux rivaux lui rendit quelques droits et lui assura une espèce de condominium. Il manquait encore à Louis la sanction pontificale. Ses adversaires saisirent ce prétexte pour continuer la lutte et lui donner peu à peu la tournure imprévue d'une sorte de lutte entre le sacerdoce et l'Empire. Toujours captif à Avignon, le pape Jean XXII avait d'abord évité de se prononcer entre les deux compétiteurs, espérant peut-être qu'ils se soumettraient eux-mêmes à son arbitrage. Il avait profité de leur rivalité pour nommer le roi Robert de Naples son vicaire en Italie. Il avait excommunié Louis de Bavière, qui revendiquait de son côté le droit de désigner un vicaire impérial. Il avait prononcé l'interdit contre l'Allemagne et sommé les princes d'avoir à élire un nouvel empereur. Dieu, disait-il, a donné au pape la souveraineté de la terre aussi bien que la souveraineté du ciel. Pendant l'interrègne, tous les droits de l'empereur sont dévolus à l'Église. Celui qui, sans avoir obtenu la permission du siège apostolique, continue à remplir les fonctions que l'empereur lui a conférées, offense la religion et il attaque la majesté divine elle-même. Le candidat de Jean XXII était Charles IV, troisième fils de Philippe le Bel, qui venait de monter sur le trône de France. Il comptait, pour le faire élire, sur l'appui de Jean de Bohême, beau-frère de Charles. Aux attaques du pape, Louis de Bavière répond sur le même ton, l'accuse d'hérésie, parle de casser son élection, fait appel, comme l'avait fait Philippe le Bel, à un concile œcuménique. 1324. Une lutte terrible s'engage, lutte de plumes surtout, où l'on retrouve l'écho des griefs qui avaient rempli jadis les manifestes de Frédéric II et d'Innocent IV, l'écho aussi de l'ardente polémique entre Philippe le Bel et Boniface VIII. Du côté de l'empereur se rangèrent Marsilio de Padoue, médecin et jurisconsulte, auteur du manifeste Gibelin, Defensor Pacis, et que Louis nomme son vicaire en Italie. Guillaume d'Ockham, franciscain anglais réfugié en Allemagne, Léopold, évêque de Bamberg. Tout le parti exalté des franciscains, qu'on désignait sous le nom de Fraticelli, et enfin Dante Alighieri. Du côté du pape, l'ermite Augustinus Triumphus, Triumpho, le franciscain Alvarus Pelagius, Alvaro Pez, ceux-ci soutenaient que le pouvoir pontifical n'a pas de limite, puisque le pape représente Dieu sur terre, et que toute autorité humaine n'est qu'une dérivation de la sienne. Cela en arrivait à nier l'autorité spirituelle du pape, la primauté de Saint-Pierre, et à prétendre que l'empereur a hérité du pouvoir absolu des Césars sur le monde entier, y compris les États pontificaux. Louis de Bavière eut d'abord l'adresse de se réconcilier avec Philippe le Bel, qui le reconnut comme roi légitime et futur empereur. Puis, comme le pape refuse de céder et continue, de concert avec Jean de Bohême, à agir auprès des électeurs en faveur de Charles IV, il se dirige sur l'Italie pour s'y faire couronner, accusant le souverain pontife de se mettre en opposition avec la volonté divine, en cherchant à étouffer l'une des deux grandes lumières que Dieu a créées pour éclairer le monde. « Détruire l'Empire, c'est, dit-il, mettre la confusion dans l'Église elle-même, c'est semer l'hérésie et la discorde. Mais les princes allemands hésitent à le suivre. C'est à peine s'ils trouvent quelque appui dans les gibelins de la péninsule. » Le 31 mai 1327, il se fait proclamer roi d'Italie à Milan, reçoit le serment de fidélité de Galeas Visconti, puis le fait arrêter avec ses frères et son fils, sous le prétexte qu'il n'a pas encore payé sa part du subside promis. Le 10 janvier 1328, il fait son entrée à Rome. Mais c'est un couronnement singulier que le sien. Après avoir reçu l'onction sacrée des mains de deux archevêques excommuniés, ceux d'Arles et de Venise, il accepte la couronne impériale des mains des syndics de la ville, de Sciarra Colonna, qui sont censés représenter le peuple romain. C'est par le peuple, c'est-à-dire par un pouvoir essentiellement laïque et, en outre, révolutionnaire, qu'il semble vouloir se faire conférer le titre d'empereur. De sa propre autorité, Louis prétend alors déposer celui qui se dit le pape Jean et qui n'est qu'un impie et un hérétique, insatiable de richesses. Il élève à sa place un simple moine, Pierre Reinalducci, qu'il fait proclamer sous le nom de Nicolas V, et qui, docile créature de son maître, recommence la cérémonie du couronnement, comme pour lui donner plus d'efficacité. Mais Louis eut beau accuser Jean XXIII d'hérésie, se refuser à voir en lui le chef de l'Église et épouser les querelles des franciscains récemment condamnés par l'autorité ecclésiastique, il n'était pas à la hauteur du rôle qu'il cherchait à jouer. Il lui fallut, pour soutenir la lutte avec chance de succès, l'indomptable énergie des empereurs de la maison de Souabe. Or, c'était au fond un caractère faible, accessible aux influences les plus diverses, assez mobile dans ses impressions pour passer brusquement d'une extrémité à l'autre. Et d'ailleurs, ce n'était pas l'empire des Césars qu'il voulait rétablir, il ne désirait au fond que cette couronne impériale que le pape lui refusait. Sa grande colère fit peu de dupes, les partisans de Jean XXII soulevèrent le peuple contre lui, et le pape lança d'Avignon un manifeste où Louis était déclaré coupable d'hérésie et déchu de la couronne d'Allemagne. Des rixes entre Romains et Allemands vinrent bientôt empirer la situation. Il lui fallut quitter Rome précipitamment, menacé par la marche de l'armée napolitaine, poursuivi par les malédictions universelles. 15 août 1328. Il erra quelque temps dans le Latium, où beaucoup de ses partisans l'abandonnèrent. Il dut s'arrêter plusieurs mois à Pise. Milan lui ferma ses portes. Il revint en Allemagne très amoindri. Décembre 1329. Fort de l'appui du roi de France, Jean de Bohême eut alors la pensée, sinon de se faire élire lui-même empereur, tout au moins d'obtenir la couronne impériale pour son fils, Charles, qui venait d'épouser une fille de Philippe VI de Valois. Mais malgré le succès remporté par ce prince à San Felice, il fallut, au bout de 3 ans, évacuer complètement la péninsule. Charles dut se contenter du margraviat de Moravie. La mort du pape Jean XXII, 4 décembre 1334, auquel succéda le pacifique Benoît XII, semblait devoir délivrer Louis de Bavière de son adversaire le plus redoutable. Ce fut alors le roi de France, Philippe VI de Valois, qui reprit la lutte pour son compte. La guerre qu'il venait d'engager contre Édouard III ne pouvait laisser l'Allemagne indifférente, car les grandes villes du Nord étaient en relation suivie avec l'Angleterre. Édouard promit à Louis, que l'excommunication effrayait et qui était prêt à faire de grandes concessions pour rentrer dans le sein de l'Église, de le réconcilier avec le Saint-Siège s'il voulait faire alliance avec lui. Louis, en retour, essaya de soulever les Flamands contre Philippe VI, proclama le roi d'Angleterre vicaire de l'Empire dans les Pays-Bas, et lui adjugea le royaume de France. C'était une véritable coalition de l'Angleterre et de l'Empire qui se formait, coalition redoutable qui menaçait d'arrêter encore une fois l'œuvre de la formation territoriale de la France. En outre, des émissaires anglais parcouraient la Bourgogne pour recruter des adversaires à Philippe de Valois et essayer de restaurer le royaume d'Arles au profit du dauphin Humbert II. Convention de Reims. Une autre question s'agitait encore au-dessus de celle-là. La lutte entre la papauté et l'Empire n'était pas complètement terminée. Benoît XII se montrait prêt à signer la paix. Mais il fallait délimiter les droits respectifs des deux puissances. Soutenus par l'opinion publique, les princes allemands crurent le moment opportun pour s'élever, dans une déclaration solennelle, contre la prétention des papes d'intervenir dans les affaires intérieures de l'Allemagne. Ils formèrent à Reims, 16 juillet 1338, la célèbre union électorale, Curvé Reine, d'après laquelle celui qui avait été légalement élu par la majorité des électeurs était considéré comme le vrai et légitime roi d'Allemagne, sans avoir besoin de la confirmation du pape. La Diète, réunie peu de temps après à Francfort, alla plus loin. Elle déclara contraire au droit la conduite de la curie romaine dans l'affaire de Louis de Bavière. Nulle l'excommunication prononcée contre lui. Elle ajouta que l'unanimité des électeurs suffisait pour conférer non seulement le titre de roi, mais encore le titre d'empereur. C'était le complément de l'œuvre de Rodolphe de Habsbourg. Au Saint-Empire romain du Moyen-Âge se substituait un empire allemand laïque dont la bulle d'or allait bientôt déterminer la constitution. Cette convention célèbre montre aussi combien la position des princes avait changé depuis un siècle. Ils n'ont plus rien à redouter maintenant de l'autorité impériale. Devenus eux-mêmes souverains, ils craignent que les théories pontificales ne se retournent contre eux. Ils n'ont pas voulu être les vassaux de l'empereur, ils ne veulent pas être davantage les vassaux du pape. Aussi, n'est-ce pas la papauté qui triomphe finalement dans cette dernière lutte du sacerdoce et de l'empire? Ce sont les princes. Leur indépendance, solennellement reconnue, va être dorénavant la loi fondamentale de l'empire. Faute et revers de Louis. Se sentant directement atteint par la déclaration de Reims, le roi de France et le pape Clément VI opposèrent à Louis de Bavière Charles de Luxembourg, fils de Jean de Bohême. Au lieu de tirer parti des bonnes dispositions des princes à son égard, Louis ne sut que réveiller leur défiance par ses maladresses et sa cupidité. Il commence par annexer la Basse-Bavière à ses domaines héréditaires, malgré l'opposition de ses neveux. Puis il cherche, contre toute justice, à mettre la main sur le Tyrol. L'héritière de ce pays, Marguerite Maulstache, à la grande bouche, était venue se plaindre auprès de lui de son époux Jean-Henri, un autre fils de Jean de Bohême. De sa propre autorité, il annule le mariage pour faire épouser à Marguerite son fils Louis, margrave de Brandebourg, et acquérir le Tyrol pour sa propre famille, indisposant ainsi la puissante maison de Luxembourg en même temps qu'il blesse la conscience des habitants. Alors Jean de Bohême lui déclare la guerre et, malgré sa cécité, le poursuit jusque sous les murs de Cracovie et l'oblige à conclure la paix. Louis veut se dédommager en essayant de confisquer l'héritage du dernier comte de Hollande, dont il a épousé la sœur. Cette nouvelle faute le brouille avec Édouard III. Bientôt, les princes mécontents prêtent l'oreille aux exhortations du pape. Abandonné de la plupart d'entre eux, Louis se décide enfin à renoncer au titre d'empereur et se met à la disposition du Saint-Siège, demandant humblement à Clément VI de le replacer dans la situation où il était avant l'anathème porté contre lui par Jean XXII. Mais il est trop tard. Il est solennellement excommunié le 13 avril 1346 et, à l'instigation du pape, les trois électeurs ecclésiastiques, le duc de Saxe et le roi de Bohême, élisent Charles de Bohême, ou de Luxembourg, sous le nom de Charles IV. Celui-ci renouvelle au pape les promesses qu'il lui avait déjà faites antérieurement, et Clément VI déclare, en le reconnaissant, que si l'acte qui lui était soumis renfermait quelque irrégularité, il y suppléerait par sa puissance. Louis essaya vainement de résister. Il convoqua une diète à Spire, pendant que Charles partait avec le vieux roi de Bohême, son père, pour aider la France dans sa lutte contre l'Angleterre. Louis ne sut profiter de l'absence de son rival. Il mourut subitement, 11 octobre 1347. Fin de la section 51.